Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on part en pleine nature. Direction la réserve de Beaumarchais à Autrèche, un site unique en son genre en Touraine qui vous propose d'embarquer à bord d'un safari train. À la fois pour observer des espèces peu communes dans nos campagnes, mais aussi, on en parlera, il y a un aspect restauration puisqu'il y a une auberge. Alors les animaux qu'on peut voir, les bisons d'Europe, les cerfs, les sangliers, les autruches d'Afrique ou encore les émeus d'Australie, le tout en pleine liberté. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Cyril Pestel. Cyril est responsable de la communication et des réservations de groupe pour la réserve. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors ensemble, on va revenir sur l'histoire de ce lieu, les coulisses de ce site étonnant qui, on peut le dire, se situe entre une ferme pédagogique et un parc animalier. Mais aussi, on va parler de votre parcours à vous personnel, Cyril. On veut tout savoir. Il me semble que rien ne vous destinait vraiment à ce poste-là aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une reconversion, un choix de vie de votre part? En tout cas, on sait qu'il y a un attachement très fort au territoire. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter la réserve Beaumarchais pour celles et ceux d'entre nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce lieu? Alors, le Safari Train est basé à Autrèche, à 10-15 minutes en voiture d'Amboise, et juste à côté de la sortie numéro 18, Château Renaud, sur la 10. La visite en train, elle, se fait sur une superficie d'environ 35 hectares, alors que la propriété en totalité fait autour de 54 hectares. Au tout début de l'histoire, le créateur du parc et sa fille ont acheté les terres en 1976. Alors j'en ai parlé avec lui cet automne, il m'a précisé il n'y a pas longtemps, aux enchères à la bougie. Ah oui. Il a acheté la propriété. Et maintenant, c'est une quinzaine de parcs avec des animaux autour, bien évidemment, du château de Beaumarchais. Ce projet un peu fou de faire un safari en pleine Touraine, il a émané comment? Alors, ils ont commencé l'élevage de sangliers dans les années 80. Le parc, on dit officiellement 1990, mais en fait, il a ouvert en 89, courant 89. Et au départ, il y avait que des sangliers et les visiteurs faisaient la visite à pied. Mmh. Le train et l'auberge restaurant sont rapidement arrivés derrière en 1991. Et c'est environ à cette même période que l'acquisition d'animaux différents a commencé. Alors bah justement, vous l'évoquez, le mot est lancé, les animaux. Alors qu'est-ce qu'on peut observer au fil du parcours en safari train? Alors vous commencez la visite en train par les sangliers, qui représentent à peu près la moitié de tous nos pensionnaires. Suivent ensuite les cerfs et les biches, les daims et les mouflons de Corse, qui est un cousin du mouton mais qui a plus de points communs avec la chèvre. La deuxième partie de la visite est plus exotique avec deux sortes de cousins de l'autruche, des ratites, hein. Ratites ça veut dire oiseaux coureurs non volants. Il y a les nandous d'Amérique du Sud qui ressemblent à des petites autruches et les émeus d'Australie qui font un peu préhistorique, hein, qui sont nos préférés à nous, tous ceux qui avons guidé, mais qui impressionnent pas mal de monde dans le train. Faut dire qu'ils sont à hauteur de voyageurs. Oui, et encore parce qu'ils sont posés. Quand ils se redressent, ils font plus de 2,10 m. Ah oui, ça a de quoi impressionner en effet. Et pour terminer, on finit avec deux enclos fermés, d'un côté et de l'autre du train, puisque ce sont des animaux dits dangereux. Faut savoir que l'autruche a quand même une réputation de tueur d'hommes. Donc vous avez les autruches d'Afrique d'un côté et les bisons d'Amérique. On termine en passant par la forêt des sangliers, et puis devant le château 19e siècle, pour ensuite revenir au point de départ. Et tout ça prend environ 55 minutes. En tout cas, c'est très agréable à faire en famille, notamment. Alors justement, le parc, il a aussi un aspect pédagogique très fort à la réserve. Comment est-ce que vous vous y prenez pour sensibiliser les visiteurs au respect de l'environnement? Ça fait, j'imagine, évidemment partie de votre discours quand vous accompagnez les visites. Ça peut en faire partie, comme ne pas en faire partie. Ça dépend du public qu'on a dans le train. C'est très compliqué à parler de ce sujet. Je sais que c'est très à la mode en ce moment. Moi, je dirais qu'une chose, j'ai pas mal voyagé autour du monde. Et malheureusement, l'ignorance est mère de tous les maux et couplée à la cupidité, ce qui est dans la nature de l'homme, elle crée la destruction. Ceux qui détruisent la nature à travers le monde sont soit très riches et n'en ont jamais assez, soit très pauvres et braconnent ou détruisent par appât du gain pour survivre. Le mieux que nous puissions faire à notre pauvre petite échelle, c'est d'apprendre à nos visiteurs à connaître au mieux nos pensionnaires et leur mode de vie et de voir l'amour quotidien que nous leur portons. Mais c'est un grain de sable dans le désert par rapport à ce qui se passe sur les autres continents et je pense pas que ce soit chez nous que cela se joue. Cela dit, les plus petits, en tous les cas, quand ils terminent le tour en train, j'imagine qu'ils retiennent pas mal de choses, et notamment cet aspect lié au respect de l'animal. Oui, il faut l'espérer. Après, ça dépend de leur évolution cognitive. Ce qu'ils retiennent surtout de prime abord, c'est le train. Il y en a qui font un caprice pour repartir en train, et pas pour les animaux. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des projets en cours pour cette saison 2025? Il me semble qu'il y a eu quelques naissances, notamment. Alors oui, ça, bah, les naissances comme tous les ans. Hein, on a déjà eu les marcassins qui arrivent tout au long de l'année, mais surtout avant l'ouverture. Et on est en pleine naissance chez les bisons et chez les cerfs. C'est génial. Alors, dernièrement, pour les nouveautés, hein, intrinsèquement, nous avons dernièrement récupéré 5 émeus, fin d'automne, début d'hiver, du bois des Hâtes de Saint-Avertin. Et encore plus récemment, cette année, 5 daims du même endroit, dont 3 dits noirs. Donc ce sont des animaux assez magnifiques. Déjà que le daim est assez beau, mais alors des daims noirs, c'est magnifique. On a bien évidemment à l'étude une ferme pédagogique depuis plusieurs années, mais comme vous le savez, on n'est pas les seuls à être dans le lot. Plusieurs événements malencontreux comme le Covid ou la dissolution de l'année dernière nous ont porté des coûts financiers que, il faut du temps pour absorber. Voilà, donc j'espère qu'on sera prêt pour 2027. Très bien. Donc là, on enregistre cette émission ensemble, Cyril, on est à la toute fin du mois de mai. Si on vient visiter la réserve et qu'on emprunte le safari train, on pourra observer des bébés. Oui, donc là, en l'état, y a déjà les mouflonneaux, enfin les agneaux, des mouflons, les bisonneaux et les fans des biches. Reste à venir dans quelques semaines les fans des daims. Et on va dire dans un peu plus que quelques semaines, hein, parce que c'est très compliqué à faire et à avoir, ce sont les bébés autruchons. Hein, on a les deux premières fournées d'incubation qui n'ont pas spécifiquement marché, alors peut-être à cause du temps qu'on a eu au début de printemps. Et donc, on est reparti sur une quatrième fournée d'incubation pour essayer d'avoir un nombre satisfaisant de bébés autruchons. Là, on va dire à l'été, parce que maintenant, on prend un peu de retard. Alors, il faut aussi rappeler que certains des animaux élevés à la réserve sont destinés à la consommation et vous proposez à la vente de la viande en circuit court. Comment ça se passe? Et il me semble, Cyril, que vous êtes parfois confronté à la réaction d'un public qui n'est pas toujours forcément très réceptif à cette double dimension à la fois touristique et alimentaire. Oui, alors c'est effectivement, c'est pas facile à expliquer. À 95%, le retour du public, il est, il faut l'admettre, très positif. Et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est sûr qu'il y a un aspect circuit court et dégustation. Mais il faut admettre que vous ne pouvez pas goûter partout du sanglier, du daim, du cerf, du bison ou de l'autruche, comme dans notre restaurant. Surtout que les nôtres sont nourris aux grains, aux granulés, aux fruits et aux légumes. Donc la viande est bien plus savoureuse que forte. Et puis vous pouvez aussi acheter des plats cuisinés ou des terrines faits maison dans nos labos l'hiver, hein, dans notre boutique. Et celle-ci, elle a de plus en plus de succès quand même. Hein. Je ne vous parle même pas du succès des viandes fraîches pour les fêtes de fin d'année, hein, cette année. Alors je ne sais pas si c'est dû à quelques marchés de Noël que j'ai fait, mais on a fait plus 25% de clients. Par contre, le panier moyen a diminué. Ah oui. Ce qui fait qu'on n'a pas réalisé tant d'excès de chiffre d'affaires que ça, mais au moins on a frôlé les 300 clients. Oui. Oui, et puis c'est pas tout ce que propose la réserve quand on la quitte. Boutique aussi avec souvenirs, peluches, tout plein de petites choses aussi qu'on peut se procurer. Tout à fait. Alors, pour finir de répondre à votre question, Marlène, hein, le public que vous avez soulevé, hein, je dirais que d'un autre côté, il faut respecter le choix de certaines personnes, hein, même si je trouve que certaines fois, leurs réactions sont plus que violentes. Hein. Par exemple, quand je vais dire un truc basique, hein, mais quand à l'issue de leur visite, ils nous mettent une étoile sur 5 sur Google, rien qu'à cause de ce principe, alors que la balade leur a plu. Ben oui, c'est cette double dimension qui, comme vous le dites, ne peut pas contenter tout le monde, même si 95% de ceux qui ont côtoyé votre parc en sont repartis ravis. Cyril, je vous propose qu'on marque la petite pause musicale habituelle que nous marquons dans ce mag afin de se retrouver juste après, où là on parlera davantage de votre rôle. Qu'est-ce que vous faites à la réserve? De quoi sont faites vos journées? Le contact avec les visiteurs? Voilà. Yeah. All the homies that I ain't talked to in a while, I'ma send this one out for y'all, know what I mean? Cause I ain't mad at you. Heard y'all tearing up shit out there, kicking up dust, giving a motherfuck. Yeah, niggas. Cause I ain't mad at you. Now we was once two niggas of the same kind, quick to holler at a hoochie with the same line. You was just a little smaller, but you still roll. Got stressed to YA and hit the hood swole. Remember when you had a Jerry curl, didn't quite learn. On the block with your Glock, tripping off Sherm. Collect calls to the tilt, saying how you changed. Oh, you a Muslim now, no more dope game. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. It seems I lost my little homie, he's a changed man. Hit the pen and now no sinning is the game plan. When I talk about money, all you see is the struggle. When I tell you I'm living large, you tell me it's trouble. Congratulations on the wedding, I hope your wife knows she got a player for life. And that's no bullshitting, I know we grew apart. And not to see us after school, we bomb on the first motherfucker with the wrong shit on. Now the whole shit's changed, and we don't even kick it. Got a big money scheme, and you ain't even with it. Knew in my heart you was the same motherfucker that go toe to toe when it's time for growth, you gotta front us back. And I can't even trip, cause I'm just laughing at you. You trying hard to maintain, then go ahead, cause I ain't mad at you. Distant cousins, fighting, playing dozens, whole neighborhood buzzing, knowing that we buzz it. Used to catch us on the roof or behind the stairs. I'm getting blitz and I reminiscing all the time we said. Besides bumping and grinding, wasn't nothing on our mind. In time, we learned to live a life of crime. We'll grind us back to a time was much too young enough. I caught a felony loving the way the guns blow. And even though we separated, you said that you wait. Don't get nobody no coochie while I be locked up state. I kiss my mama goodbye. Wipe the tears from my lonely eyes. Said I'll return, but I gotta fight to fix the ride. Don't shed a tear, cause mama, I ain't happy here. I've been trying, no more smiles for a couple years. They got me going mad. I'm knocking busters on their backs in my cell. Thinking hell, I know one day I'll be back. As soon as I touch down, I told my girl I'll be there, so prepare to get fucked down. The homies wanna kick it, but I'm just laughing at you. Cause you's a down ass bitch, and I ain't mad at you. Niggas ballin' now, bitches be callin' to get it. Hookers keep fallin' down, he went from nothing to lots. 10 carats to rock, went from a nobody nigga to the big man on the block. He's Mr. Local Celebrity, addicted to moving key. Most hated by enemies, escaping the luxury. See, first you was our nigga, but you made it. So the choice is made, now we gotta slay you while you faded. In a younger day, so full of pain when the weapons blade. Getting so high off that bomb, hoping we make it to the better days. Cause rhyme pays, and in time, you'll find a rhyme ablaze. You'll feel the fire from the niggas in my younger days. So many changed on me, so many try to plot. That I keep a Glock beside my head, when will it stop? Shall God return me to my essence? Cause even as an adolescent, I refuse to be a convalescent. So many questions, and they ask me if I'm still down. I moved up out of the ghetto, so I ain't real now. They got so much to say, but I'm just laughing at you. Niggas just don't know, but I ain't mad at you. C'était Tupac sur Radioactive. Alors pourquoi Tupac? Eh bien, on va vous avouer quelque chose, c'est que notre invité aujourd'hui, eh ben, il aime bien. Notre invité, c'est Cyril Pestel. Il est responsable de la communication et des réservations de groupe pour la réserve Beaumarchais, le fameux safari train que vous avez sûrement déjà testé à Autrèche. Cyril nous a parlé de tous les animaux que comptait le parc en début d'émission. Et puis, on a également parlé de l'historique. L'idée maintenant, c'était de revenir un petit peu sur votre rôle, donc responsable communication, réservation. Concrètement, ça veut dire quoi au quotidien, Cyril ? Alors, pour la com, je dois essayer par tous les biais, que ce soit journaux, affichage, réseaux sociaux, radio et internet, sponsoring et radio, laissez-moi finir, et avec de faibles moyens, de mieux nous faire connaître au niveau régional et ponctuellement sur toute la région ouest et un peu la région parisienne. Nous sommes toujours étonnés avec mes collègues de rencontrer des gens qui ne connaissent pas la réserve, qui sont de Tours ou de Blois. Oui. Mais pire, tant qu'il y aura encore des gens sur Amboise ou sur Château Renaud qui ne connaîtront pas la réserve, c'est que j'aurai encore pas mal de boulot. Quand vous dites qu'ils ne connaîtront pas, c'est qu'ils n'y sont jamais venus ou qu'ils même ignorent l'existence? Ah non, non, non, c'est clairement qu'ils en ignorent l'existence. Ah oui? Oui. Ah tiens, non. En ce qui concerne les réservations de groupes, hein, je suis chargé de gérer la réservation et l'organisation du séjour dans la réserve de tous les groupes possibles, hein, c'est-à-dire EHPAD, IME, centres sociaux... les associations de retraités, les voyagistes, et puis bien sûr les écoles et les centres aérés. Et je dois aussi gérer les réservations pour l'auberge-restaurant. Très bien. Et alors, ça veut dire que vous faites l'accueil de ces personnes-là quand elles arrivent ? L'accueil physiquement, non. Je fais l'accueil au téléphone de ces personnes-là quand elles arrivent pour demander si elles peuvent venir. Des fois, oui, il peut arriver que je sois vers la boutique et que j'accueille mes clients parce que j'ai un interlocuteur pour chaque groupe, hein, avec qui j'ai déjà conversé. Mais oui, c'est aussi une chose que j'aime faire, mais j'ai pas le temps intrinsèquement d'accueillir tous les groupes. Alors justement, le contact avec les visiteurs, vous n'y êtes pas confronté tous les jours finalement, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même ? Ah oui, pour moi c'est primordial. Mm-hmm. Je dirais même que c'est mon moteur et c'est ce qui m'a toujours porté depuis que je suis tombé dans le tourisme. Oui, parce qu'à la base, c'était pas un métier vers lequel vous vous dirigiez ? Non, non, moi à la base, quand je suis arrivé de Paris en 2000, j'étais plus spécialiste du transport en urgence. Mm-hmm. Je suis tombé accidentellement dans le tourisme en 2009 chez Monsieur Depric sur la Bélandre. Mm-hmm. Et après, c'est grâce à ça que j'ai fait 5 années au Clos Lucé. Après, j'ai fait 3 ans guide pour les étrangers dans les châteaux. Et j'ai commencé seulement à faire guide à la réserve en 2018. D'accord. Voilà. C'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et puis, le public me l'a toujours rendu. Donc, c'est une chose qui est primordiale pour moi, comme je vous l'ai dit. Et alors, du coup, la réserve Beaumarchais, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre spécifiquement ce lieu-là ? On est venu vous chercher, il me semble. Alors, non, pas exactement. À la fin, oui. On est venu me chercher parce que j'avais été 5 ans guide et qu'il y avait des places qui se libéraient. Mais non, au départ, c'est que tout simplement, je cherchais à rebondir après avoir fait 3 ans guide dans les châteaux. Et la réserve avait déjà failli me prendre en 2015. Donc, ça paraissait évident que j'arrive comme guide en 2018 parce que j'avais un peu touché à tout en tant que guide. Mm-hmm. Et puis, c'est venu tout de suite avec les animaux. Donc... C'est comme ça que ça s'est produit. Et alors, cette reconversion vers le tourisme, c'était plutôt un choix, une opportunité ou, paf, un déclic de se dire, c'est ça que j'ai envie de faire ? Je dirais aucun des trois et les trois en même temps. Oui, on vous demandait de développer, là. C'était juste que après avoir fait 3 ans guide pour les étrangers dans les châteaux, eh ben, figurez-vous que je cherchais du travail comme pas mal de monde. Et comme j'avais le profil pour faire guide à la réserve, ils m'ont pris. D'accord. On imagine qu'il y a une grande partie du public qui vient en famille, en groupe scolaire, etc., comme vous l'avez évoqué. Comment ça se prépare une venue collective ? La plupart du temps, ça commence avec le téléphone ou Internet, hein, parce qu'il faut avouer qu'on a des horaires qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde, parce qu'on a des horaires quand on n'est pas en période de vacances scolaires. Ah et oui. On a des horaires quand on a régulier oui. De départ des trains, quand on est en vacances scolaires, ouais. En week-end ou pendant les ponts. Mmh. Donc effectivement, de prime abord, pour les visiteurs, c'est pas forcément évident. Donc j'ai beaucoup de coups de fil pour toujours la même chose, pour savoir à quelle heure est le train, aujourd'hui ou demain, s'ils doivent réserver, alors que les particuliers réservent pas. On fait les réservations pour les groupes de plus de 19, sauf... les groupes dits spéciaux comme EHPAD, handicap, etc., qui, eux, n'ont pas besoin d'un minimum de groupes pour réserver. Mmh. Mais sinon, il n'y a pas de réservation possible pour les particuliers. Ok. Alors, Cyril, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui le plus dans votre travail ? Comme on l'a dit précédemment, hein, c'est plus le contact avec le client. Mmh. Je pense qu'il faut aimer les gens pour faire ce travail-là. C'est plus facile de les comprendre et des fois, quand ils ne sont pas faciles, de les contrer aussi. Et puis, en même temps, je touche à plein de domaines différents dans ce poste. Hein, sponsoring, les interviews, les salons, les marchés, les devis, la logistique des groupes. Et puis, l'hiver, il y a moins de travail, sauf pour les fêtes avec les viandes fraîches. Mais j'essaie d'aider un peu plus mes collègues, donc surtout le gérant et le soigneur, hein, dans le parc, pour le nourrissage des animaux ou pour faire le bois ou d'autres choses comme ça. Donc, je touche à plein de trucs différents. Oui, c'est pas routinier, finalement, en tout cas, à cette période-là, particulièrement. C'est polyvalent. C'est jamais routinier, un parc de la dimension de la réserve, surtout avec le peu de personnel qu'on est. Au niveau du tourisme sur le territoire, la réserve, c'est aujourd'hui une destination prisée en Val d'Amboise, évidemment. Selon vous, quel rôle elle joue dans le tourisme local, justement ? C'est une très bonne question. Je ne me la suis pas encore forcément posée. Une chose est sûre, c'est que c'est une destination très prisée des écoles maternelles et des centres aérés. Quand je vous dis des écoles maternelles et des centres aérés, je ne vous parle pas du 37. Hein. Ah oui. Je vous parle du 37, du 41, du 28, du 45, du 49, du 36, du 18. Donc c'est toute la grande région centre. Mmh. Ça devient même d'ailleurs assez compliqué de recevoir des groupes puisqu'ils n'ont plus le budget pour venir chez nous d'un petit peu loin, on va dire. Comme par exemple Châteauroux. parce que le budget car monte rapidement pour un seul car à 700 euros. Donc là, ça devient problématique pour tout le monde. Je commence à voir des centres aérés. Pardonnez-moi de vous avoir coupé, Marie. Non, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison de le soulever, parce qu'on entend effectivement qu'il y a des sorties scolaires qui sont supprimées pour cause des frais liés au transport. J'ai pas estimé la perte que ça me fait en groupe, mais ça a une incidence, et ça a une incidence, un peu plus pesante, même si elle n'est pas effective. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui maintenant vont même plus regarder pour, je parle de la périphérie de Tours, de la grosse aglo, qui ne regardent même plus pour sortir hors de l'aglo, parce que sinon ils savent que ça leur coûte trop cher. Donc ils m'appellent plus, par exemple. Ouais, j'ai eu cette discussion-là il n'y a pas longtemps avec un centre aéré de Tours. Et par contre, je voulais vous dire, j'ai constaté hier un changement auquel je m'attendais, tout naturellement, mais bien évidemment, ça ne va pas être dans les mêmes proportions. C'est que comme il y en a qui ne peuvent plus avoir le budget pour le car, eh ben, ils viennent avec des minibus. Seulement, il y a moins d'enfants d'amener, mais au moins ils viennent. Et ça leur coûte beaucoup moins cher. Oui, c'est un compromis qu'on peut entendre. Et ça, je pense que dans les 5 années à court ou moyen terme à venir, ça va se généraliser, s'il n'y a pas un changement. Oui. En tout cas, c'est bien dommage pour les structures collectives qui ne pourraient pas s'offrir cette visite, parce que c'est vraiment un moment très très agréable. Et puis qui plus est, quand on a terminé la boucle dans le Safari Train, on revient au point de départ, mais on peut se balader dans le parc où vous avez aussi d'autres petits animaux sympas. Oui, alors on a une aire de jeu pour les enfants, et au fond de l'aire de jeu, il y a un animal que vous ne voyez pas en train, ce sont les petits kangourous, les wallabies de Bennett. Donc il y en a certains déjà là, on a des bébés qui sont déjà assez grands, qui sont déjà sortis de la poche et qui courent avec leur mère, ou qui sont même déjà quasi indépendants. Il faut savoir qu'une maman wallabie, comme une maman kangourou, elle est capable d'avoir 3 enfants en même temps, c'est-à-dire un enfant ou adolescent hors de la poche, un enfant dans la poche et un fœtus en même temps. Ah, dis donc. C'est peut-être pour ça que ce sont des animaux qui ont su survivre et qui n'ont pas disparu d'Océanie. Et des petits fugueurs parmi ceux-là, non ? Ouf ! C'est arrivé, me semble-t-il. On en a un grand, là. Oui, je vois de quoi vous voulez parler, celui-là. Il a fait le tour du 37. On l'a retrouvé dans la cour d'un château à Nazel ou je ne sais plus où. Mais on en a un, là. Je l'appelle Escape Man. C'est un grand mâle, et on a beau essayer de mettre des clôtures assez, assez hautes, des fois il arrive à passer en force, et si vous avez le malheur de laisser 1m70, il passe au-dessus, on le retrouve dans la cour ou chez le voisin. Enfin, heureusement, il n'a pas essayé de faire le tour du 37 comme l'autre, celui-là. Mais oui, ils aiment bien, c'est un peu comme les daims, ils aiment bien embêter. Voilà. Voilà, donc comme on le disait, Cyril n'a pas un travail routinier, il lui arrive de devoir courir après un kangourou, un wallaby. C'est éreintant. À 5, c'est éreintant. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Cyril, pour cette excursion radiophonique à la réserve Beaumarchais, un site à la fois dépaysant, familial et engagé, à découvrir ou redécouvrir de toute urgence si vous êtes curieux, amoureux de la nature ou simplement si vous avez envie de faire une sortie originale tout près de chez vous. Et pour tout savoir sur les horaires, puisque Cyril nous expliquait que c'était évolutif en fonction des périodes, tout savoir des visites, des tarifs, et ben on vous donne rendez-vous sur le site officiel de la réserve. Quelle est d'ailleurs l'adresse ? Comment on fait pour y aller ? Le site, c'est réservedebeaumarchais.com. Très bien. Ou alors, on se présente directement à Autrèche et on fait un tour au bord du Safari Train. Tout à fait. On est très content de vous avoir comme nouveau partenaire. Ben merci. Je pourrais rajouter quelque chose ? Bien sûr. Justement, au niveau du partenariat, j'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est d'actualité. Les coûts, bien évidemment, par exemple pour les achats, pour la nourriture des animaux, sont de plus en plus drastiques. Et donc j'aimerais ici, pour une fois que j'y pense et que j'en ai l'opportunité, remercier nos partenaires qui travaillent avec nous toutes les semaines pour nous offrir leur pain, leur viennoiserie ou leurs fruits et légumes. Ah, super! Donc d'un point de vue historique, je crois que le plus vieux, c'est Carrefour à Château-Renaud. Ensuite, j'ai commencé une coopération quand j'étais guide avec Aldi Amboise il y a environ 5-6 ans, qui continue toujours. Dernièrement, depuis un peu plus d'un an, je dirais maintenant, avec l'Intermarché de Blois, qui n'est pas négligeable tous les vendredis. Et bientôt, je pense, avec la fromagerie Belle, comme le... je sais pas si je dois dire la marque, oui, on a compris quoi, de Vendôme. Qui voulait trouver un débouché autre que de mettre au compost ses échantillons de test de fromage. Et donc, il m'a contacté et on devrait entériner l'action dès juin. Voilà. Ça veut dire que si des auditeurs nous écoutent aujourd'hui et ont des possibilités de recyclage de vivres pour les animaux, ils peuvent éventuellement vous contacter ? Ils peuvent éventuellement, on peut toujours étudier, comme je l'ai fait avec Belle. Nous, ce qui compte pour nous aussi, c'est qu'on puisse les mettre rapidement et directement aux animaux, hein, bah oui. Mais que ça soit pas trop chronophage. J'entends bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Cyril, encore une fois. Ben, c'est moi. C'est la fin de ce MAG du jour. Merci d'être toujours plus nombreux à nous retrouver sur Radioactive. Et on se retrouve dès demain à 18h pour un nouveau numéro. Au revoir.